Laisse ton connaissance. Nous sommes le meilleur et le pire. Hey, c'est quitté en Guinée. J'ai traversé la mer, j'ai traversé le désert. Je suis venu en France. France m'a accueilli, France m'a aimé. Précisément à Montpellier. J'ai un bon lié, LTC est le meilleur. On a des bons éducateurs, on a des bons animateurs. Delphine, Laura, Laurent, Dylan. L'estank est bon, l'estank est doux. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est Yann, c'est le professeur. Il est là pour nous aider. Eleonore, c'est mon éducatrice. Elle est là pour me consoler. Madame Karina est chargée de nous apprendre le français. Jean-Pierre, Romain, Kofi, Alexis, Alice, Swad, Anissa, la chef des services. Laisse ta connaissance. On est chaud. Nous sommes le meilleur et le pire. Et le pire. Laisse ta connaissance. On est chaud. Nous sommes le meilleur et le pire. Tres tris, tres tigres, está en un trigal. Adivina cuántas palabras acabo de tirar. Los rapeos, palabreo, los rapeos, no logro. Grabate este video que se va a ir viral. Más rápido que Nazca, tengo carne vaca. Tengo bicho gordo, la peta de flaca. Me abre la pierna, me abre la vaca. Iro se la meto siempre como a tu vaca. Tengo par de vaca y un chingo la vaca. Lo metí y lo sacas, jala como jaca. No me importa, no me importa, no me importa a ti. Sí, ni la comaraca, ni con la sají, ni con la serpiente. Ni los diablos, ni los sí, pero sí. Estos raperitos yo los cojo como chaca. Flow supersórico, manírico, marírico. Me deja paralítico en estado crítico. Ay, man, Lucy, ey, ferrítico. Écoute ça, il passe, négro. Ouais. La vie c'est dingue, mon gars. Ce soir on est chaud avec l'équipe. Je connais le rap par rouge, jaune, vert. À Montpellier, on est bien, on est super précisément à l'instant. Kofi, mon éducateur, je connais le rap. J'ai quitté ma famille, j'ai retrouvé la tienne. Je dis hamdoulillah, hamdoulillah. Je dis hamdoulillah. J'ai des frères noirs, arabes, Albanie, Colombie, ouais. Ah, banks, banks, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha. C'est fou la tête. Laisse ta connaissance. On est chaud. Nous sommes le meilleur et le pire. Et le pire. Laisse ta connaissance. On est chaud. Nous sommes le meilleur et le pire. Yeah. Et le pire. J'ai perdu ma maman, ça fait très longtemps. Je pense beaucoup à elle. Et ma jumelle aussi. Elle me manque énormément. Je sais qu'on va se voir un jour, si Dieu le veut. Ma passion dans cette vie, c'est d'être un footballeur. Dieu merci, je suis arrivé en France. Inch'Allah, ça ira. Ya, ya, l'estan. L'estan, on est chaud. On est chaud. Nous sommes le meilleur et le pire. Et le pire. L'estan, on est chaud. À cause de mon ambition d'être original, puis à retrouver mon sommeil. La famille est moi mon avenir. Tellement la vie est si injuste. Parfois je rêve à faire du bien aux honnêtes, mais pas aux malhonnêtes. Qui passe le temps, nous fait connaître qu'on vient du bled parce qu'ils connaissent pas. Mais je suis l'ami respiré dans la vie quand même, ouais. Je remercie tous les éducateurs de l'instant pour leurs gentillesses. Comment défaut de coucher à madame, en faveur, il m'a le sababou. Quand tu vas goûter, pas d'avion fait, on a le bar à l'équipe, et enfin, moi, t'as celui Lucinka. Aranka. Laisse ta connaissance, on est chaud. Nous sommes le meilleur et le pire. Et le pire. Laisse ta connaissance, on est chaud. Nous sommes le meilleur et le pire. Et le pire. Y'a Yana, y'a Delphine. Y'a Elena, y'a Anissa, y'a Karine, y'a Romain, y'a Jean-Pierre, y'a Kofi, y'a Nadia, y'a Lorraine, y'a Dylan, y'a Alexis, y'a Anissa, y'a Louran, y'a Mel. Et les maîtres de la maison, y'a Swad, y'a Fida, y'a Nouria. Et le chef, le directeur, chapeau à toi, monsieur Lopez. Je vous salue.